l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. On a essayé d'écrire et d'envoyer du courrier à ma mère. On a appris qu'elle était au camp de Pithiviers. On a reçu des nouvelles. C'était des griffonnés sur un petit bout de papier. C'était juste des petits mots. Henri Lilienstein. La première lettre de ma mère disait, elle ne savait pas à qui l'adresser chez nous, elle l'adressait à ces gens que nous connaissions donc à Vendôme, en disant, « Chère madame et monsieur, je vous écris cette lettre en un drôle de moment. Quand je vivrai, je saurai vous remercier. Je suis ici seul. Je ne sais pas où est mon mari, mais je voudrais savoir au moins où sont Lily, ma sœur, et Henri. Si vous savez où ils se trouvent, je crois que vous serez envers eux comme des mères. Je finis ma lettre en vous embrassant. Je vous remercie tout d'avance, Madame Lilienstein. » La deuxième lettre, c'était « Chère Madame Ferrière, je suis en route pour Pithiviers. Je n'ai pas de nouvelles de mes enfants. Je suis très inquiète. Écrivez-moi si vous avez de leurs nouvelles. Je vous embrasse et je vous remercie. » La rafle du Vel'Liv, cinquième épisode. Et après, les survivants pour raconter. Alain Lefkovitch, Séverine Kassar. Ma sœur a appris que notre maman, n'ayant plus ses enfants avec elle, est partie avec les célibataires, donc directement au camp de Drancy. Rachel Yedinak. Elle a dû entendre que tous les gens qui n'avaient pas d'enfants avec eux partaient pour Drancy. Voilà l'original. Mes chéris, je pars sans les enfants pour une destination inconnue. Annette Krasger. Faites l'impossible, immédiatement, par la Croix-Rouge, pour sauver les enfants qui sont restés à Pithiviers. Que Berthe se débrouille pour cela. La santé est bonne, le courage aussi. Soyez calme. Surtout, faites l'impossible pour faire rentrer les enfants à Paris. Bon baiser, Sophie. Henri Lilienstein, Rachel Yedinak et Annette Krasger font partie des rares survivants de cette rafle et dont le destin ne s'est pas arrêté dans les antichambres de la mort du Vel'Liv, de Drancy et des camps du Loiret. Aujourd'hui, ils témoignent. Nous sommes allés, ma sœur et moi, à trois reprises à Drancy, en autocar, et j'en garde vraiment des souvenirs très forts, parce que les internés montaient tout en haut des quatre étages pour essayer d'apercevoir ceux qui venaient les voir. Et nous étions nombreux, bien sûr, à essayer de voir une dernière fois les nôtres. Et la première fois, je n'ai pas vu ma maman, nous sommes repartis en pleurant. La deuxième fois, la même chose, je ne vois pas ma maman. Un monsieur me tape sur l'épaule et me dit « Pourquoi pleures-tu ?»« Et parce que je ne vois pas ma maman. » Il avait une paire de jumelles qu'il m'a prêtées et j'ai pu voir le visage de ma mère une dernière fois, de loin, qui nous a aperçus et qui a fait un geste « Partez !» Parce que les gendarmes nous pourchassaient tout autour du camp. Nous étions constamment en danger. Et la troisième fois, nous descendons du car et ma sœur me dit « On repart à Paris, on n'y va pas. » Je lui ai fait une comédie incroyable, « Je veux voir maman. » Il a bien fallu que j'obéisse à ma sœur, elle avait 5 ans de plus. Et c'est plus tard qu'elle m'a dit qu'elle a vu dans un des autobus qu'on a vu venir en sens inverse, une partie du visage de notre maman, debout, serrée comme une sardine, et qui nous aurait aperçus sur le trottoir, et elle essayait avec sa main de faire le signe « partez ». Ma mère est restée donc 13 jours à Drancy, et elle est partie par le convoi 12 le 29 juillet 1942 vers la mort. Je sais que ma mère n'a pas été immatriculée à Auschwitz, alors que j'ai le numéro de matricule de mon père. Cela veut dire qu'elle est partie immédiatement à la chambre à gaz, parce que ceux qui partaient à la chambre à gaz n'étaient pas immatriculés, bien entendu. Échappé du Vel'd'Hiv le 16 juillet, Henri Lilienstein, 12 ans, va errer pendant plusieurs jours dans les rues du 19e arrondissement de Paris. Un jour, en promenant rue Rébéval, une jeune femme juive qui était là, qui avait échappé à la rafle, m'a reconnu et m'a dit « Je sais où se cache ton père ». Et elle m'a emmené, j'ai retrouvé mon père, dans la rue de l'Atlas, dans un logement au rez-de-chaussée. Mon père était caché, donc, avec différentes personnes. Il n'était pas seul avec mon oncle et avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et je suis resté un moment avec eux. J'ai raconté ce qui s'est passé, bien sûr. Mon père croyait que j'étais arrêté. Il a vu revenir son fils miraculé. C'était assez extraordinaire. Et on est resté dans ce local pendant pas mal de temps, peut-être 8 jours ou 15 jours. Mon père a été un militant actif des sociétés juives. Il travaillait avec le groupe de la rue Amelot. Il était chargé des faux papiers d'identité. Les médecins de la rue Amelot, qui disposaient des produits chimiques nécessaires, fabriquaient des faux papiers. Mon père allait les chercher et les distribuait. Et étant caché, il ne pouvait pas reprendre contact. Mais je ne sais pas comment il l'a fait. Il a repris contact avec le réseau. Et mon père a voulu me mettre en sécurité et s'est adressé à Lozé. À Lozé, une des militantes de Lozé est venue me voir et m'a dit « On va essayer de te placer ailleurs, mais il faut que tu aies des papiers d'identité. Tu vas aller à la mairie du 12e où tu es né. Voici une liste de noms de garçons de ton âge, français, avec des noms français. Et tu vas essayer d'obtenir une reconnaissance pour l'un d'eux. » Je suis allé à la mairie du 12e, j'ai choisi comme nom Jean-Jacques Classe. Et j'ai demandé un extrait de naissance à la préposée, qui m'a demandé pourquoi. C'est pas pour moi, c'est pour un de mes copains de classe, ce que j'ai inventé immédiatement. Un de mes copains de classe qui doit passer son certificat d'études et qui a besoin d'un papier, mais il est malade. Alors la femme m'a dévisagé, je sais pas si elle a compris, mais elle a dit « bon, reviens dans 2 jours ». 2 jours après, je suis revenu en me disant « je vais me faire arrêter ». Elle m'a remis l'acte de naissance, à ma grosse surprise. Et du coup, cette femme de Lozé m'a emmené en zone libre dans une ferme dans le Vaucluse, une ferme qui s'appelle le domaine de Bavaine. Et je suis devenu garçon de ferme, planqué, avec des résistants qui étaient planqués, pas des résistants, surtout des gens qui refusaient le travail obligatoire, le STO. Mais j'ai quand même été amené à aller à l'école, pas pendant longtemps. Et je suis resté dans cette ferme où j'ai appris non pas la confection, mais l'élevage des moutons, la tonte de la laine, les vendanges, j'ai gaulé les noix, en fait, j'ai fait tous les travaux de la ferme pendant un certain temps. Et j'ai continué à correspondre avec ma sœur par l'intermédiaire de ces gens qu'on connaissait à la campagne. Et ma sœur, un beau jour, est venue et je suis retourné avec ma sœur à Grenoble, où j'ai vécu un moment. À Grenoble, mon père déménageait sans arrêt et continuait à militer. Mais quand ma sœur a été arrêtée, ça a été l'alerte. Et là, il a décidé à nouveau de me planquer. Et en s'adressant à nouveau à Lozé, qui s'est mis en rapport avec le Joint. Le Joint faisait passer des Juifs en Espagne à l'époque. On est allé dans le sud de la France. On a traversé les Pyrénées à pied sur les crêtes, dans les sommets, emmené par un guide. Et je suis resté jusqu'à la fin de la guerre en Espagne. Alors, je me retrouve chez mes grands-parents, rue Tlemcen. Et là, nous comprenons que nous ne pouvons plus rester là. Les rafles sont de plus en plus rapprochées. Rachel Yedinak. J'ai appris à courir très vite quand je voyais des hommes à mine patibulaire, vous savez, habillés de cuir, ceux qu'on appelait les collabos. Hop, je filais en courant dans une rue, dans un porche. Et vous portiez l'étoile jaune encore ? Alors, quand c'était l'hiver, j'essayais de la camoufler sous mon écharpe, mais il fallait la porter. Les voisins savaient que nous étions juifs, donc peur des dénonciations, il fallait la porter. Et je ne vous dis pas à l'école tout ce que j'ai entendu. Ça a été très dur de porter cette étoile. Plus de nouvelles de mes parents, et on espérait malgré tout, on espérait revoir les nôtres. Ma grand-mère est partie se cacher chez sa fille, ma tante donc, et son mari, qui eux-mêmes étaient cachés dans une chambre de bonne. Mon grand-père est allé à l'hôpital où il est mort, et nous, les enfants, où aller ? Eh bien, on nous a mis dans un centre pour enfants juifs. Il y en avait plusieurs dans Paris. J'étais séparée de ma sœur, ça a été très dur. Et nous avions un droit de visite un dimanche sur deux pour aller voir soit des connaissances, des amis de nos parents, bref. Et le jour où on a pu aller rendre visite à mon oncle et ma tante, nous nous sommes habillés, enfilés les vêtements les uns sur les autres, tout ce qu'on avait sous notre lit. Nous sommes sortis, nous sommes rentrés dans un porche tout près. Ma sœur avait un petit canif. Et on a décousu nos étoiles, on ne pouvait plus nous retrouver. Nous sommes partis chez notre tante et oncle, et là, j'ai été séparée à nouveau de ma sœur. Alors, j'ai vécu 8 jours dans une famille catholique, quelques jours chez des bonnes sœurs. J'ai changé sans arrêt d'endroit dans Paris, à tel point que je ne me souviens pas des lieux où je suis passée. Et quelques mois avant la libération, ma cousine m'a procuré de faux papiers. Je m'appelle Rolande Sagnier. Elle m'emmène à Château-Renaud, près de Tours. Et vous savez combien étaient dangereux les voyages, parce que là, c'est la police française et les Allemands qui contrôlaient les papiers. Et elle me dit tout le long du trajet, « Tu ne t'appelles plus Rachel, tu t'appelles Rolande, Rolande Sagnier, tout bas. » Tout bas. Et elle me l'a répété. Puis j'avais du caractère, je lui dis oui, oui, j'ai compris. Et nous sommes arrivés à Château-Renaud. Là, nous sommes allés chez la nourrice de mes cousins. Ils ont été très heureux chez elle. Elle a reçu la médaille des justes et elle m'a trouvé une nourrice. Là, je tombe sur une personne d'un certain âge, acariâtre, désagréable. Elle était vraiment dure avec moi. Mais bon, j'ai survécu. Et puis, il me fallait aller à l'école. J'étais partie à la hâte. Je n'avais ni cahier, ni crayon, ni cartable, rien. Je savais que ma grand-mère avait mon cartable. Donc, j'ai fait parvenir un petit mot pour ma grand-mère et ma tante. On m'a indiqué, je crois que c'est la nourrice de mes cousins, un camionneur qui repartait sur Paris avec un camion chargé de légumes. Et je lui ai donné mon petit mot. J'ai su plus tard qu'il était résistant. Il revient 2-3 jours après, avec mon cartable enveloppé dans du papier journal. Et ma nourrice, toujours aussi sympa, lui arrache des mains, enlève le papier journal, l'ouvre. Horreur ! Dans une poche intérieure, il restait un cahier à mon vrai nom, Rachel Psankiewicz, nom à consonance polonaise. Elle sort le cahier et me dit « Tu es juive !» À partir de ce moment-là, ça a été ma fête. Ma nourrice achetait mes vêtements sur la chaussée. J'ai été battue, menacée de dénonciation, à tel point que je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus communiquer. La nourrice de mes cousins, cette jeune femme si gentille, elle m'a sortie lance en scandale, elle m'a emmenée chez sa sœur et son beau-frère, qui étaient de braves gens, des paysans, qui avaient deux jeunes filles, qui m'ont chanté des chansons, qui m'ont emmenée en promenade. Je n'y suis restée qu'un mois. Un mois seulement, avant la libération de Château-Renaud. Mais grâce à ces gens-là, j'ai pu à nouveau communiquer et espérer. Devant le camp de Pithiviers, on se dit, c'est un camp. Annette Krasger. Alors, les barbelés, les miradors, les baraques. Et on nous fait entrer dans le camp, les gendarmes qui sont là. On est très surpris, nous sommes très surprises, le camp est vide. Or, on savait qu'il y avait des hommes avant. Et là, il va y avoir les formalités. Alors, il y a des petites tables, à chaque petite table, il y a un gendarme. Les Juifs doivent se mettre en file et défiler devant le gendarme qui va les enregistrer, parce qu'il enregistre les fiches. Alors moi, j'ai les fiches de Pithiviers. Et puis, il vous demande de remettre les objets de valeur et l'argent, qu'on vous remettra plus tard. Et puis ensuite, ils vont répartir. Alors, ils vont dire que les hommes vont être dans des baraques à part, avec les fils adolescents, et puis que les femmes et les enfants plus jeunes seront mis dans d'autres baraques. Et alors là, il y a un moment de bousculade, parce que les affaires ont été mises en commun. Alors les gens commencent à s'énerver, parce que le mari, il faut qu'il prenne ses affaires, on met ça par terre, il y a les gosses au milieu, ils ont soif, ils ont à faire pipi. Enfin, c'est vraiment le chaos complet, parce qu'il y a cette séparation qui se fait comme ça. Voilà. Et puis ensuite, on va dans la baraque. Alors nous, ça devait être la baraque 16, on devait être au fond du camp, et avec maman. On a été enregistrés avec notre mère, et les mères sont avec les enfants. Alors, on a l'impression que de toute façon, c'est mieux, parce qu'on peut être à l'air libre. Autour du camp, il y a du blé, des champs de blé qui n'ont pas été moissonnés, on est le 19 juillet, donc on peut circuler. Donc c'est un progrès considérable par rapport au Veldiv. Et maman lui dit, s'ils nous laissent là jusqu'à la fin de la guerre, qu'est-ce que tu veux actuellement? Il y a des prisonniers de guerre, il y a d'autres familles qui sont également dans des difficultés. Vous êtes grande, vous comprenez. Et puis nous, on s'y fera. Et puis voilà, maman, toujours comme ça. Donc, on a une période, on se dit, dans le fond, c'est pas si mal que ça. Malgré les miradors et malgré les gendarmes. Et puis on a la consolation de se dire, après tout, on n'a pas vu aucun Allemand. Donc on a toujours l'arrière-pensée que comme c'est des Français, on risque rien de grave. On est arrivé le 19 juillet, le camp maintenant est plein. On ne sait pas combien on est, mais on voit qu'on est très nombreux. Et puis le 31 juillet, appel des noms dans les baraques d'hommes. C'est la première déportation des hommes. Trois jours après, on apprend par le gendarme qui s'occupe de la baraque que un certain nombre de femmes de la baraque vont partir à leur tour. Alors il a une liste. Alors nous, on est là pour essayer de regarder la liste pour voir si maman est su. On voit rien parce qu'on n'est pas très grande quand même. Puis le gendarme, il épelle les noms et maman fait partie du convoi. Et c'est le lendemain matin que le départ la séparation va avoir lieu. Alors, j'ai passé la nuit blottie contre ma mère et je voulais arrêter le temps. Ça a été épouvantable. Et alors, maman, toujours très tendre, me consolant. Et puis, le lendemain, le gendarme est venu avec sa liste et les femmes qui avaient été appelées, c'est-à-dire la quasi-totalité des mères, de notre baraque était appelée. Alors, elles sont sorties de la baraque Les gosses étaient agrippés aux robes des mères. Les mères étaient absolument effondrées. Mais les gendarmes, ils voulaient les mettre deux par deux, les femmes. L'ordre, c'était deux par deux. Et je n'ai pas vu de brutalité. J'étais tellement dans une bulle de souffrance que je ne peux pas dire s'il y a eu des brutalités comme on en a décrit à Bonne-la-Rolande. Je ne sais pas du tout. Et puis, les femmes sont parties, on ne les a pas revues. Et puis ensuite, les femmes sont revenues. Et on est resté toute une partie de la journée, face à face, en plein soleil, séparés par des barbelés. On ne pouvait même pas se toucher, parce que les barbelés, ça pique. Ça a été épouvantable. Épouvantable. Alors, maman nous a dit qu'elle était jeune. Maman avait 38 ans. Qu'elle était courageuse, qu'elle était en bonne santé, qu'elle irait travailler, et que de toute façon, elle prenait le livret de famille pour pouvoir nous retrouver. Elle est partie avec son livret de famille. Et elle nous a donné des conseils. Elle nous a dit qu'il fallait, si on voulait nous fouiller, parce que nous on n'avait rien donné aux gendarmes, il fallait donner, et puis qu'il fallait être solidaire, qu'il fallait qu'on s'occupe des enfants qui étaient plus jeunes, et puis qu'on se rappelle de tous les principes de morale que nos parents nous avaient inculqués, et puis qu'on se retrouverait, voilà. Alors on est resté comme ça, face à face, pratiquement toute la journée, et en fin d'après-midi, alors que le soleil commençait déjà à tourner, il y a eu un ordre qui était donné, et tout le troupeau de femmes s'est tourné pour partir vers la baraque noire. Et c'est la dernière vision que j'ai gardée de maman. Et on ne l'a plus jamais revue. Rapidement après, nous-mêmes, nous avons quitté de toute façon le camp de Pithiviers. Et le 15 août, ça a été le départ de Pithiviers. On nous a fait monter, nous, tous les gosses, dans les wagons à bestiaux. Qu'on a fermé. Il y avait juste en haut une petite lucarne qui était assez haut pour les chevaux. Mais on n'a rien donné à manger, rien donné à boire. Il y avait ces pauvres enfants qui étaient complètement avachis par la chaleur, par la soif, par la diarrhée déjà. Pour certains déjà, avaient la gale déjà, avaient des poux déjà. En cours de route, il y a eu plusieurs arrêts. Et à un moment, à un arrêt, on a entendu juste une voix, on ne voyait rien parce que la lucarne dans le wagon bestiaux était trop haut pour nous. Et ça devait être un cheminot qui a dit à l'autre, viens voir là-dedans, c'est pas possible, il n'y a rien que des mômes. C'est vous dire. Et finalement, on est arrivé dans la cour de Drancy avec un autobus qui était venu nous chercher à la gare et d'où on a été libéré du wagon bestiaux. Voilà. Donc moi, j'ai connu le wagon bestiaux Cardos-Serlitz, Pithiviers, et puis Pithiviers-Drancy. Arrivé à Drancy, alors là, je m'effondre complètement. Parce que là, j'ai considéré que c'était un vrai camp. Il y avait plus de barbelés, il y avait plus de gendarmes, il n'y avait pas un arbre, il n'y avait pas rien, c'était noir. Et puis, on nous a répartis dans le bloc 1, le bloc des partants. Donc là, c'était le 15 août. Et la première déportation est le 17 août. Alors on leur avait dit aux enfants qu'ils allaient rejoindre les mamans, qu'il fallait qu'ils soient bien sages parce qu'ils allaient rejoindre leurs mamans. Enfin, nous, on n'y croyait pas du tout, hein. Mais c'est ce qu'on avait dit aux gosses. Et c'est comme ça, en regardant par la fenêtre des gosses qui étaient de notre convoi et qu'on tondait pour le départ, parce que les SS d'Auschwitz avaient, semble-t-il, très peur des poux, parce que ça leur donnait le typhus aussi. Donc ils avaient demandé que les gosses soient tondus. Et alors, on était nous debout, on regardait, en attendant notre tour, on regardait les gosses qu'on tondait. Moi, j'étais encore dans un état épouvantable. Je trouvais qu'avec tout ce qu'on avait subi, de douleur, de mépris, de frustration, de tout ce que vous voulez, et d'impuissance, C'était la pire de tout, c'était tendu. Moi, à l'époque, j'avais des cheveux un peu souples, et puis bon, ben, j'avais quand même 12 ans, et je trouvais que ça, les tendus, c'était épouvantable. Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est produit, parce que une cousine germaine de maman, qui habitait Paris, qui était célibataire sans enfant, avait été arrêtée le 16 juillet 42. Elle avait été envoyée directement à Drancy. Et à ce moment-là, on recrutait des secrétaires qui étaient chargés de constituer les listes des convois, de dactylographier et de répartir les déportés par convoi et par wagon. Et c'est cette cousine, Berthe, en tapant les listes, elle a vu mon nom. Alors, elle est allée faire tous les escaliers avec tous les mômes, au milieu de tous les gosses, pour essayer de nous trouver. Et nous, on était debout près de la fenêtre, alors que presque tout le reste était couché sur la paille. Et c'est comme ça qu'elle nous a vus. Alors, elle s'est approchée de nous, elle nous a dit, « Léa, Annette, vous me reconnaissez pas, je suis Berthe, la cousine de maman. Allez, vite, vite, vite, je vous emmène, mais il faut pas qu'on nous voit. » Et c'est comme ça qu'elle nous a emmenés au fond du U, là où il y avait des internés qui n'étaient pas déportables immédiatement. C'était une réserve, si vous voulez, pour les déportations à venir. Et c'est comme ça qu'on a échappé à la déportation. Alors la libération est intervenue le 23 septembre. On était à Drancy depuis le 15 août. Et il y a un petit mini-car pour venir nous chercher. Et on fait l'appel des noms, 32 noms. Et de ces 32 noms, il n'y a que nous deux, ma sœur et moi, qui montons dans le mini-car. Tous les autres ont été déportés. Et alors nous, on est complètement bouleversés, doublement. D'abord, la libération, c'était un miracle, on n'y croyait plus. Et puis de voir se concrétiser le départ de tous ces gosses qui auraient dû être avec nous, ça nous a, mais on était, mais entre les larmes, si vous voulez, et puis le. C'était terrible de le constater comme ça, quoi. Parce que tous les gosses étaient partis, ils ont été déportés tout de suite. Et c'est comme ça qu'on a quitté Drancy. Et c'est comme ça que se termine mon histoire d'enfant du Valdiv. Merci à Rachel Yedinak, Henri Lilienstein et Annette Krasger. France Culture, LSD, la série documentaire. Tout de suite, le sixième épisode de la rafle du Valdiv. Moi, j'avais besoin de parler à la Libération, j'avais 10 ans. Mais les psys, n'y en avait pas à l'époque, ça n'existait pas. Et quand je voulais parler, eh bien, parfois j'ai entendu « Allez, allez, on ne parle plus de ça, on parle de l'avenir. » Rachel Yedinak. J'ai aussi entendu « Tu as de la chance d'être restée en vie, alors tais-toi. » 10 ans, entendre cela, il a fallu grandir avec cela. Il faut être solide pour grandir avec cela. La rafle du Valdiv, itinéraire d'une mémoire trouble. Alain Lefkovitch, Séverine Cassard. J'ai vécu donc dans différents foyers. À 16 ans et demi, je vivais seule dans une chambre de bonne, dans le 10e arrondissement, m'assumant complètement. Donc les études arrêtées, bien sûr, et pourtant j'avais des possibilités. Je n'ai plus qu'à l'âge adulte, en cours du soir, me rattraper dans différents domaines. Mais il a fallu exercer un métier alimentaire. Voilà. Je me suis mariée avec un fils de déporté, qui avait perdu ses parents et ses deux petites sœurs. Lui-même, à 16 ans, était dans le maquis du Vercors et s'est battu contre les Allemands. J'ai eu une fille qui, à l'âge de 4 ans, revient de l'école maternelle, toute blonde et bouclée comme son papa, et qui nous dit « Vous êtes des méchants tous les deux ». Ah bon ? Ben oui, les autres ont des grands-mères et des grands-pères et moi j'en ai pas. Que dire à un petit enfant ? Mon mari n'avait pas le courage de dire quoi que ce soit, mais on n'a pas le droit de mentir à un enfant. Et j'ai commencé par petit peu à lui expliquer, mais elle a été traumatisée. D'abord, on a commencé par oublier. Vive le pain blanc de la victoire, de Paris libéré par son peuple, celui de la vraie, de la seule France, celle qui a résisté. Alors exit la collaboration, Tullard, Bousquet et Papon, et vive le Veldivou, comme le dit la chronique, le populaire veut en avoir pour son argent. Alors la rafle, on la commémore entre rescapés, en catimini, comme s'il ne fallait pas déranger. Si la rafle disparaît de la mémoire collective quasi instantanément, les Juifs, eux, n'ont jamais oublié. Il faudra attendre 53 ans pour que la France s'en souvienne aussi. Pratiquement à la Libération, la rafle est commémorée dans les milieux juifs. D'ailleurs, d'une façon générale, il y a une mémoire immédiate de tout ce qui concerne la Shoah dans les milieux qui ont été directement concernés. Annette Vieillurka, historienne spécialiste de la Shoah. Donc il y a cette première mémoire, ces premières commémorations qui sont d'un petit périmètre, des premiers ouvrages, des films, Les Guichets du Louvre, Monsieur Klein, le premier ouvrage de Lévi Tillard sur la rafle du Veldiv qui paraît dans une collection qui était très populaire de Lafon qui s'appelait Ce jour-là. Ça a été vraiment la première mémoire. Cette rafle du Veldiv, pendant longtemps, a été commémorée. Mais commémorée, je me souviens, dans les années 70, commémorée d'une façon discrète, avec un membre du cabinet du ministère des Anciens Combattants, et jamais le mot de Vichy n'était prononcé. Serge Klarsfeld, historien, président de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Il faut regarder aussi les manuels scolaires de Terminal, qui étaient les seuls manuels à évoquer ce qui s'était passé avec les Juifs pendant la guerre mondiale. Il y avait à peu près 8 ou 10 manuels différents. Eh bien, dans ces manuels, les professeurs agrégés d'histoire qui avaient rédigé les textes essayaient de cacher que c'était la police française qui arrêtait les Juifs. Et j'avais écrit en 1975, je pense, à peu près une page entière dans Le Monde, une analyse des manuels scolaires d'histoire qui montrait cette manipulation volontaire de la part des professeurs pour cacher le rôle à la fois du gouvernement de Vichy et de la police française de l'époque. Mais dans quel but ? Dans le but de faire oublier une honte qui accablait pas seulement le régime de Vichy, mais qui accablait ce que représentait ce gouvernement de Vichy, qui était le gouvernement de la France de l'époque. Et il n'y avait aucun mot sur le comportement des Français face à leur État. Et ça a changé en 83, à la rentrée 83, ça a été modifié. C'est-à-dire qu'on a commencé à écrire la vérité. Et on peut dire que c'est au moment où la mémoire juive de la Shoah devient un enjeu politique, dans les années 80, que surgit une demande, qui est une demande qui vient des enfants de personnes qui ont été arrêtées dans la rafle, qui crée un comité, Veldiv 92, si je ne me trompe, et qui a une demande très précise que la France reconnaisse ses responsabilités dans la déportation de ces juifs. Le 14 juillet 1992, François Mitterrand répond aux questions des journalistes venus l'interroger dans les jardins de l'Élysée, tradition oblige. Celui qui a toujours refusé de reconnaître une quelconque responsabilité de la France dans la déportation et l'extermination des juifs réaffirme sa position, celle d'un socialiste sur une ligne gaulliste. Monsieur le Président, vous allez demain commémorer un triste anniversaire, celui de la déportation des Juifs, donc de la rafle du Veldiv. Vous savez que certains attendent de l'État français qu'il reconnaisse sa responsabilité dans ces crimes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'État français? Si j'ose dire, ça n'existe pas. Enfin, il y a la République. Non, monsieur Amar, il y a la République. Et la première République, parmi les premiers gestes, en tout cas révolutionnaires, c'était la reconnaissance non plus d'un statut des Juifs en France, mais que les Juifs français étaient français. C'est-à-dire que ça a été une mesure révolutionnaire et essentiellement républicaine. La République a toujours été celle qui a tendu la main pour éviter que les ségrégations, et spécialement les ségrégations raciales, alors ne demandons pas de compte à la République, mais en 1940, il y a eu un État français. Alors, ne séparez pas les termes État et Français. L'État français, c'était le régime de Vichy. C'était pas la République. Et à cet État français, on doit demander des comptes. Je l'admets naturellement. Comment ne l'admettrais-je pas? Alors, monsieur... Je partage totalement le sentiment de ceux qui s'adressent à moi. Mais précisément, la résistance et d'abord le gouvernement de Gaulle, ensuite la 4e République, et puis les autres, ont été fondés sur le refus de cet État sommes, français. Monsieur le Président, nous sommes d'accord. Et on aurait voulu ne pas vous poser... Faut être clair. On aurait voulu ne pas vous poser ces questions aujourd'hui. N'est-ce pas affligeant de constater que 50 ans après ces drames, cela fasse l'objet de controverses aujourd'hui en France? Il n'y a pas de controverses, mais ce qui est dramatique et ce qui est juste en même temps, c'est que 50 ans après, on puisse ressentir aussi cruellement l'injustice, l'inhumanité, la barbarie avec laquelle on a traité les familles juives à cette époque et les enfants juifs. C'est encore présent dans les mémoires. Mais sur le plan du droit, je peux dire que la République a fait ce qu'elle devait. Et j'ai personnellement très vivement le souvenir de la commémoration de 92. Annette Vieillurka. Où Badinter, à la tribune, se met en colère parce que la petite foule qui était présente eut Mitterrand qui refusait de reconnaître la moindre responsabilité de la France. Vous m'avez fait honte. 16 juillet 1992. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Je ne demande que le silence. Que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. Vous vous souvenez de cette colère de Badinter et comment l'expliquer? Badinter devait beaucoup à Mitterrand. Serge Klarsfeld. Mais sa colère était... la colère de quelqu'un qui devait beaucoup à celui qui était en train d'être sifflé. Et c'était une colère excessive. Mais ce sont les nôtres qui sifflaient. C'était ceux qui avaient perdu leurs parents dans cette rafle. Mais son père a été arrêté par les Allemands, comme mon père. Mais un enfant à Paris, un enfant juif à Paris, avait peur des policiers français plus que des soldats allemands. Les soldats allemands ne les arrêtaient pas. mais il défendait son président. Et sa colère, c'était une colère dirigée contre ceux qui sifflaient son président, à qui il devait aussi son poste de ministre. Donc, Je n'ai pas vraiment d'explication pour la colère de Badinter. Alors bon, Badinter, c'est un merveilleux orateur, hein. Donc, quelle était l'authenticité de cette colère par rapport à une colère surjouée? On oublie généralement que l'année d'après, malgré tout, Mitterrand reconnaît en quelque sorte la centralité de la rafle du Veldiv dans la mémoire de la déportation des Juifs de France, puisque passe un décret qui va instituer la journée du 16 juillet quand elle tombe un dimanche, ou le dimanche d'après si le 16 juillet tombe en semaine, comme la journée de la commémoration des victimes du racisme et de l'antisémitisme. C'est donc, à partir de 1993, une journée nationale. Un monument est érigé sur l'emplacement du Veldiv, un monument figuratif, qui est un groupe femmes, enfants, et la cérémonie est désormais officielle. Ce que d'ailleurs regrettent des gens comme Henri Boulafco, qui a été pendant toutes les décennies de l'après-guerre le grand porteur de la mémoire d'Auschwitz, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un rituel qui échappe aux organisations juives. Il y a la garde républicaine, on chante la Marseillaise, les organisations juives, le CRIF et sa commission du souvenir ne peuvent plus faire exactement comme ils veulent. Donc 93, mais Mitterrand se refuse, même si il est à l'origine de la commémoration telle qu'elle se déroule aujourd'hui, Mitterrand se refuse à reconnaître une quelconque responsabilité de la France. Et c'est en 95 que Chirac prononce son grand discours qui figure dans les manuels d'histoire des élèves, qui reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Et c'est un moment vraiment capital. C'est un discours dont les éléments sont fournis par Serge Lasfel. Le discours de Chirac est absolument impeccable. Il a en plus énormément d'allure. Et sa plume en a été Christine Albanel, qui a été après ministre de la Culture. Donc c'est un très très beau discours. Il a pris le discours et puis il l'a lu à haute voix, comme il faisait toujours, en s'arrêtant par moments, en reprenant une phrase. Christine Albanel. Et puis voilà. Et à la fin, il m'a dit, écoute, ça me paraît bien, est-ce que tu crois qu'on va assez loin? Je re-entends cette phrase. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je crois que oui, je crois que déjà vous dites des choses qui n'ont jamais été dites. Je crois que c'est important. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que je l'ai quitté. Et puis il y a eu sans doute deux jours qui ont passé. Après, il s'est rendu. Il a prononcé ses discours. Personne n'était au courant. Dominique de Villepin ne savait pas, Claude Chirac non plus, etc. Enfin, c'était vraiment, et puis immédiatement, moi j'avais l'impression que ça allait être important, mais pas non plus. C'est difficile en fait, c'est très difficile d'anticiper que quelque chose va devenir ou va être considéré à un moment donné comme étant historique ou comme étant... c'est très très compliqué. Je me disais c'est très important, je le voyais moi plutôt comme peut-être la fin de quelque chose, c'est-à-dire, et non pas le début de quelque chose. Il me semblait que c'était le temps de l'histoire qui était venu, qu'on sortait du temps politique pour aborder au temps de l'histoire. Et je pensais que donc, on allait peut-être tourner une page après cette reconnaissance officielle, cette vérité qui avait été dite au plus haut, au sommet de l'État. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Jacques Chirac, 16 juillet 1995. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. On verra des scènes atroces, des familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les aînés, dont certains anciens combattants de la Grande Guerre avaient versé leur sang pour la France, jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de l'État, de la préfecture de police. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Et puis, il y a eu, après, une émotion énorme. Enfin, il y a eu des réactions de tous côtés. Je me souviens de Jack Lang, je me souviens, y compris de beaucoup d'adversaires politiques qui ont fait des déclarations. Très vite aussi, il y a eu des réactions contraires, qui allaient de, je dirais, des gaullistes historiques. Par exemple, moi, je me souviens d'un dîner où je me suis retrouvée à côté d'Étienne Burin-Desrosiers, qui avait été secrétaire général du général de Gaulle à la présidence de la République pendant des années, me disant « mais c'est terrible que Jacques Chirac ait prononcé ce discours, ça va à l'encontre complètement de ce qu'a voulu le général de Gaulle, etc. Et puis vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas écrire que la France, la fameuse phrase, a commis l'irréparable ». Et puis ça allait aussi jusqu'à Philippe Séguin, qui un peu pour les mêmes raisons, la même filiation, la même culture, était également sur ce jugement. Ce qui est vrai, vous avez rompu avec la ligne directrice donnée par le général de Gaulle après la libération. Même Mitterrand avait une attitude gaulliste dans sa réaction vis-à-vis du Vel'd'Hiv. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y avait une ligne. Cette ligne, pour moi, avait été tout à fait justifiée. Je comprends très très bien pourquoi le général de Gaulle, soucieux justement de réconciliation, l'avait choisi et affirmé. C'est ce que j'appelle le temps politique. Et puis, on peut considérer que 40, 50 ans après, on est justement dans le temps de l'histoire. En plus, Jacques Chirac était le premier à ne pas avoir connu, enfin, je veux dire, cette période, de ne pas avoir joué un rôle actif, contrairement à François Mitterrand, naturellement, tout simplement parce qu'il était trop jeune. Et il y a un moment, bah, de même que, sans doute, Emmanuel Macron, par exemple, par rapport à la guerre d'Algérie, enfin, il y a un moment où on peut dire des choses sur certains sujets parce que vous êtes arrivés dans les générations qui suivent et que donc on est vraiment dans le temps de l'histoire. Et là, je crois que c'était le cas. Vous vous souvenez du discours de Jacques Chirac en 1995 ? J'étais à quelques mètres de lui et j'ai pleuré. Je n'étais pas la seule. Rachel Yedinak. Enfin, on reconnaissait ce qui s'était passé pendant la guerre pour nous, les Juifs. Jacques Chirac a eu le courage de reconnaître que c'était l'État français qui avait sa responsabilité engagée. Henri Lilienstein. Donc ça, c'était formidable. Nous attendions de lire les noms que nous avions à lire. Mais on a beaucoup apprécié qu'ils reconnaissent l'action, la collaboration de Vichy, oui, bien sûr, comme une tâche dans l'histoire de la France. Françoise Mandelbaum. Mais à part ça, nous, on le savait. Il ne nous a rien appris. Ce que nous avons apprécié, c'est qu'ils le disent. Quand Jacques Chirac a dit « la France ce jour-là commettait l'irréparable », eh bien, il a dit la vérité. Serge Klarsfeld. Le maréchal Pétain, le gouvernement Laval-Pétain représentait la France. C'était un régime qui était reconnu par un certain nombre de pays, y compris les États-Unis, et c'était la France. Il y avait deux France. Mais en disant « la France, ce jour-là, commettait l'irréparable », Jacques Chirac reconnaissait que ce qui était fait au nom du maréchal Pétain et de son gouvernement concernait toute la France et qu'il devait en tirer les conséquences. Et il en a tiré les conséquences. Il a créé la commission Matteoli de façon à ce que on puisse indemniser les Juifs qui avaient été spoliés, qui n'avaient pas été indemnisés, de façon à ce que les familles juives qui avaient complètement disparu, bien que leurs biens servent à créer une fondation qui a été la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que les orphelins de la déportation, donc du fait de la complicité de Vichy, eh bien qu'ils soient indemnisés à la fin de leur vie, qu'ils touchent une pension, donc il en a tiré les conséquences, et on a tiré les conséquences pour ceux qui avaient aidé les Juifs, les Justes, ils sont entrés au Panthéon, ils représentaient l'autre France, comme la France de Gaulle représentait la France combattante de l'autre côté. C'était une guerre civile à l'époque, il y avait deux Frances qui s'opposaient. Faut pas oublier que le pasteur Bugner, le chef de l'Église réformée, écrivait à la veille de la grande rafle de la zone libre, écrivait au maréchal Pétain une longue lettre pour lui dire de ne pas déclencher cette rafle, et il lui disait « Je vous supplie, monsieur le maréchal, d'imposer des mesures pour que la France ne s'inflige pas à elle-même une défaite dont le poids serait incalculable. » Et le poids a été incalculable jusqu'à ce que le président Chirac prenne la parole. Mais après Jacques Chirac, François Hollande a dit la France et Emmanuel Macron a dit la France. C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation, et donc, pour presque tous, la mort des 13 152 personnes de confession juive. La vérité, elle est dure, elle est cruelle. C'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de cette opération. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Sarkozy n'a pas parlé aux Veldiv, mais ça ne veut pas dire qu'il ait une position politique différente. Annette Wiewiórka. Bon, son intervention la plus maladroite, ça a été quand, lors d'un dîner du CRIF, il a déclaré que chaque enfant des écoles devrait porter la mémoire d'un enfant mort, ce qui a horrifié beaucoup de gens, et en particulier Simone Veil. Donc, c'est pas parce qu'il n'a pas fait de discours aux Veldiv qu'il a été opposé à la politique de mémoire, qui a été en gros quand même celle de la gauche ou de la droite, disons, républicaine. Malgré le discours historique prononcé par Jacques Chirac le 16 juillet 1995, cette question de la responsabilité fait toujours polémique. Henri Guénaud, le 26 juillet 2012. Oui, je suis indigné parce que on touche là aux sources mêmes du gaullisme. C'est une forme aussi de réécriture de l'histoire. Hein. Oui, il y avait évidemment des policiers français, mais une police qui est à la botte de l'occupant, ça n'est pas une police française, ça n'est pas la police de la France, c'est la police de l'occupant. La question est de savoir qui est le visage de la France. Est-ce que c'est le général de Gaulle? Est-ce que ce sont les femmes françaises qui cachaient des enfants juifs parmi leurs propres enfants, au risque de leur vie? Est-ce que ce sont les morts des Glières et les morts du Vercors qui sont le visage de la France? Ou est-ce que c'est le maréchal Pétain, les collaborateurs et tous ceux qui ont fait le jeu de l'occupant pendant la guerre? Moi, mon choix, il est fait. On arrête avec l'histoire, on revient. Non, mais c'est important, c'est pas que de l'histoire. Hein. Vous remarquerez que c'est pas que de l'histoire, sinon ça ne susciterait pas autant de débats. Pourquoi elle divise encore cette rafle? Pourquoi elle crée polémique? Elle fait polémique? On peut dire qu'elle divise encore, ou on peut dire qu'elle divise à nouveau. Parce que je pense que les années qui vont de la chute du mur jusqu'aux tours jumelles, ça a été des années où il y a une sorte de consensus autour des questions liées à la Shoah. Là, on est dans une période préélectorale. Quand vous allez diffuser, ça sera post-électoral, où on a vu réapparaître quelque chose qui n'existait plus, critiquer les tribuns populistes d'extrême droite à la Maurras ou à la Léon Daudet, et où certains rêvent de retourner à un récit national qui gommerait totalement ce que la collaboration a fait aux juifs de France, et pas seulement les juifs étrangers, mais aussi les juifs français qui ont été quand même définis comme juifs, outés, pourrait-on dire, par Vichy, y compris quand ils l'étaient à peine, ce qui était le cas de Jean Zay, spolié, marqué par l'étoile jaune. Donc on ne peut pas dire que le régime de Pétain a épargné les juifs français. Voilà, donc je pense que la mémoire, elle est toujours au présent. C'est-à-dire que quand on se pose une question qui a trait à pourquoi aujourd'hui, on se pose une question qui est au présent. Nous autres historiens, on essaye, tout en ayant en tête les questions que pose le présent, de se distancier et de regarder comment les faits se sont déroulés avec le plus d'objectivité qu'il nous est possible d'avoir. Merci à Rachel Yedinak, Henri Lilienstein, Françoise Mandelbaum, Annette Viviorca, Christine Albanel et à Serge Klarsfeld. Merci également à Véronique de Saint-Pastou pour les Archivina. La rafle du Veldiv, mixage Antoine Viossa, attaché d'émission Marie-Bonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Carvran, un documentaire d'Alain Lefkovitch réalisé par Séverine Cassard.